Section 38 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. Émancipation des villes, les communes, la bourgeoisie, première partie, les origines, par Arthur Giry et André Réville. Destinée des anciennes villes romaines. L'histoire des villes et de la civilisation urbaine durant les premiers siècles du Moyen-Âge est peu connue. Il serait même plus vrai de dire qu'on l'ignore presque entièrement. Les pauvres documents que ces temps nous ont laissés ne renseignent que sur les grandes péripéties de la vie politique, sur l'histoire des rois et de quelques grands personnages. Mais sur les destinées des peuples, des masses anonymes, on n'y trouve que de rares et vagues notions. Cependant, à défaut de textes explicites, ne peut-on entrevoir quel fut le sort des agglomérations urbaines et la condition des habitants qui les composaient. L'Empire romain avait légué au Moyen-Âge un bon nombre de villes, les plus importantes par la population, la richesse et le rang étaient les cités, civitates. Il y en avait environ 112 dans l'ancienne Gaule. D'autres, appelées castra, étaient de simples bourgs fortifiés. Ces villes, qui avaient joui longtemps d'une assez grande autonomie, étaient pourvus d'institutions municipales. Mais ce régime, sous l'action oppressive du fisc et d'une centralisation écrasante, se trouvait en pleine dissolution dès le IVe siècle, avant même que les invasions eussent précipité la ruine de l'Empire. Dans l'anarchie qui suivit l'arrivée des barbares, rien de tout cela ne subsista, car personne n'était intéressé à le conserver. Le régime municipal romain s'évanouit. Que devinrent alors les cités? Dans la plupart d'entre elles, un personnage se distingua bientôt parmi les autres habitants et acquit sur eux une incontestable prééminence. Ce fut l'évêque. Il ne fut plus seulement le premier prêtre de sa ville, il en fut le seigneur. Dès la fin du VIIe siècle, et peut-être auparavant, Tours était sous la domination de son évêque. Ce fut ainsi que la plupart des vieilles cités romaines devinrent au Moyen-Âge des seigneuries épiscopales. Ce fut le cas d'Amiens, de Laon, de Beauvais et de bien d'autres. Toutes, cependant, n'eurent pas la même destinée. Quelques-unes, à la suite de guerres, de partage, passèrent aux mains de princes laïcs. Angers appartint au comte d'Anjou, Bordeaux au duc d'Aquitaine, Orléans, Paris, furent directement soumis au roi. Ailleurs, à côté de la vieille cité où dominait l'évêque, naquit une ville nouvelle, Le Bourg, qui dépendit d'un autre seigneur, laïc ou ecclésiastique. Ainsi, à Marseille, la cité dépendait de l'évêque et la ville du vicomte, et l'on distinguait de même le bourg et la cité, à Arles, à Narbonne, à Toulouse, à Tours. D'autres, saccagés, ruinés, dépeuplés, perdirent leur qualité de ville et furent réduites à l'état de simple village, ou même furent anéanties. Londres, à la suite des invasions anglaises, fut certainement un amas de décombres, et la direction des anciennes voies romaines qui la sillonnaient fut si bien effacée que les nouvelles rues, tracées dans le même sens au Moyen-Âge dans la ville renaissante, ne coïncidaient plus avec elles. Uriconium, l'une des plus riches d'entre les cités bretonnes, fut réduite à néant. Et c'est seulement de nos jours, en 1857, qu'on en a retrouvé l'emplacement exact. De même, la destruction du Portus Itius qui s'élevait sur les bords du Pas-de-Calais et celle de Torrentium sur la côte de Provence furent si complètes que les érudits ne s'accordent pas aujourd'hui pour déterminer le lieu où elles devaient être situées. Telles sont les vagues notions que nous possédons sur la métamorphose politique des villes romaines au commencement du Moyen Âge. À plus forte raison, nous ignorons complètement l'histoire des petites villes, des simples bourgs fortifiés, que l'on bâtit en grand nombre à la fin de l'Empire. Tous durent constituer des seigneuries, mais nous ne savons pas de quelle manière cette transformation se produisit. Formation de nouveaux centres urbains. Ne trouverons-nous donc, à l'aube du XIe siècle, qu'un petit nombre de villes, débris ruinés et déchus des antiques civitates et des castra, se survivant dans un âge nouveau? Nullement, tandis qu'elles se perpétuaient obscurément jusqu'au jour où elles allaient renaître à la vie publique, des agglomérations d'origine plus récente avaient surgi de tous côtés. Les nombreux domaines, entre lesquels le sol était partagé sous la domination romaine, eurent des fortunes diverses. Si la plupart se peuplèrent modérément et devinrent plus tard de simples paroisses rurales, certains d'entre eux attirèrent les émigrants qui venaient se grouper en foule à l'ombre du château ou de l'abbaye seigneuriale, et sur leur emplacement de futures villes se formèrent lentement. Tel domaine, sans nom au VIe siècle, est devenu un centre important au XIe. Les exemples abondent dans les provinces du Midi, Montpellier, Montauban, dans le Nord, Bruges, Gand, Lille, au centre, Blois, Châteaudun, Étampes ont grandi autour d'un château. Plus nombreuses encore, surtout dans le Nord, furent les villes qui durent leur naissance à la protection d'une abbaye. Telles furent Saint-Denis, Saint-Omer, Saint-Valéry, Remiremont, Münster, Huissembourg, Redon, Condom, Aurillac et nombre d'autres. À quelle époque précise et sous l'action de quelles circonstances se produisit ce mouvement de concentration? Nous l'ignorons. Il est probable que des causes très diverses le provoquèrent. L'assurance de trouver sous l'égide de certains seigneurs un gouvernement paternel, la sécurité, une justice impartiale et d'autres garanties de cet ordre, dut certainement attirer sur leur domaine une foule de paysans en quête d'une condition meilleure. Et ceci expliquerait peut-être la fortune de maintes bourgades ecclésiastiques. « Il fait bon vivre sous la crosse », disait un vieux dicton. Ailleurs, c'est une mesure habile du Seigneur, comme l'institution d'un marché, qui amène des étrangers sur les terres, et d'un simple château fera bientôt une ville. C'est l'histoire du Cateau Cambrésis. Mais au premier rang de ces causes, il faut placer les invasions normandes, qui un siècle durant saccagèrent les campagnes, ruinèrent les paysans et les chassèrent à l'intérieur des enceintes fortifiées. La preuve la plus intéressante que l'on puisse en donner est l'histoire des origines de Saint-Omer. Simple abbaye au IXe siècle, sous l'invocation de Saint-Bertin, elle fut dévastée deux fois de suite, en 860 et en 878, avec toute la région qui l'entourait. Les religieux, instruits par l'expérience, entourèrent leur monastère d'une enceinte de murailles. Quand les Normands revinrent pour la troisième fois en 891, l'abbaye fut en état de résister. Le domaine se peupla si bien qu'au Xe siècle, l'ancien monastère était devenu une ville. Aujourd'hui, sur plus de 500 villes françaises, 80 à peine remontent à l'époque gallo-romaine. Les autres sont pour la plupart d'anciens villages fortifiés. Et le nom générique qui nous sert à les désigner n'est autre que le mot latin « villa » qui signifie « domaine rural ». Condition des villes jusqu'au XIe siècle. Gardons-nous toutefois de nous faire illusion sur l'importance de ces communautés urbaines durant les premiers siècles du Moyen Âge. Elles étaient plus nombreuses que considérables et ne devaient être ni très peuplées ni très riches. Dans un état de civilisation peu avancé, il est impossible aux villes de se développer. Une grande cité ne peut vivre que par l'échange des objets qu'elle produit contre les denrées alimentaires qu'elle ne produit pas et que d'autres lui expédient. Pas de commerce, pas de grande ville. Or, en cet âge obscur qui s'étend du 5e au 10e siècle, tout commerce se trouva réduit au minimum indispensable, sauf durant une renaissance éphémère qui se produisit au temps de Charlemagne. Seuls les rivages de la Méditerranée ne cessèrent pas de recevoir la visite des marchands et les relations entre la Provence, l'Italie, la Grèce et l'Orient ne furent jamais complètement rompues. Aussi, les cités de cette zone privilégiée conservèrent, semble-t-il, une classe commerçante et un certain degré de prospérité. Partout ailleurs, le commerce fut à peu près anéanti, parce qu'il ne rencontrait ni la sécurité, ni les centres d'échange qui lui étaient nécessaires. Chaque domaine vivait sur lui-même, se suffisait presque à lui-même, travaillait le fer, le bois et la laine à son usage, comme il produisait son blé. Les villes devaient faire de même. C'étaient des bourgs ruraux, et les citadins étaient des paysans qui labouraient aux environs. D'ailleurs, la mode n'aidait pas à leur développement. Rois, grands, propriétaires gallo-romains et germains préféraient le séjour des campagnes. Ce ne sont plus les villes qui sont le théâtre des grands événements. On a grande peine à se représenter ce qu'étaient alors les agglomérations urbaines et les habitants qui les composaient. Les bourgades nouvelles se serraient autour du château, de l'abbaye, de l'église. Les antiques cités, spacieuses autrefois, rasaient leurs anciens faubourgs et se tassaient pour avoir une surface moins grande à défendre, comme à Paris, à Bordeaux, à Évreux, à Poitiers, à Sens. On l'on retrouve de nos jours des ruines de monuments romains en dehors de l'enceinte que ces villes s'étaient données au temps des invasions. Toutes, quand elles le pouvaient, s'entouraient de remparts fortifiés, de murailles crénelées, bordées de fossés et hérissaient leurs contrescarpes de pièges, d'abatis, de palissades. À l'intérieur, la population, qui cependant n'était pas nombreuse, devait vivre à l'étroit, et l'architecture des maisons s'en ressentait. La demeure romaine s'étalait à l'aise, percée d'une grande cour intérieure, l'atrium, et était généralement peu élevée. L'atrium fut sacrifié, comblé, et les toitures se haussèrent au-dessus d'une série d'étages, déjà peut-être construit en encorbellement, pour gagner plus de place encore. En fait, de monuments, ceux-là seuls ornaient les villes que l'Empire romain leur avait léguées. Et cela, quand on ne les appropriait pas à des usages inattendus, comme le temple de Vézone à Périgueux, qui se transforma en une tour pour les besoins de la défense, comme les arènes de Nîmes, qui abritèrent une partie des habitants et formèrent un véritable quartier, ou, quand on ne les détruisait pas, pour employer les matériaux à de nouvelles constructions, surtout aux travaux de fortification. Entre l'église et la demeure seigneuriale, qui s'élevait le plus souvent à l'écart sur une colline escarpée ou sur une motte factice, le citadin écoulait sa vie monotone, heureux quand une guerre privée ou une incursion de pillards n'attirait pas sur sa demeure et sur lui les horreurs d'une prise d'assaut. De droit politique, il n'en avait point. Le seigneur ou ses officiers commandaient en maître aux habitants, leur imposaient des redevances, les arrêtaient et les jugeaient. La condition civile des habitants dut aussi s'aggraver. Il semble, en effet, que le nombre des hommes libres est sensiblement diminué dans les villes, aussi bien qu'au sein des campagnes, peut-être les cités du Midi. Grâce à leur situation privilégiée, purent-elles échapper en partie à cette déchéance sociale? Mais elle fut générale dans le Nord, où ceux-là seuls qui faisaient métier de porter les armes à la suite du Seigneur et de vivre aux dépens d'autrui conservèrent leur indépendance. Ainsi, du VIe au Xe siècle, les citadins ne comptent pas dans la société, et l'évêque Adalbéron, dans un poème fameux qu'il adressait au roi Robert, ne considère autour de lui que deux classes, les gens d'église et les nobles, au-dessous desquels, mais bien loin, sont les manants qui travaillent. Premier groupement des habitants des villes. La communauté des habitants n'avait-elle donc aucune existence, aucune réalité par elle-même, en dehors des individus qui la composaient? Peut-être y aurait-il exagération à l'admettre, et dès ces temps reculés, les populations urbaines commençaient-elles à se grouper? En premier lieu, il est à croire que l'exercice de la juridiction n'était pas le privilège exclusif du seigneur. À Strasbourg, d'après un document qui remonterait à la fin du Xe siècle, l'évêque choisissait en toute liberté ses officiers, sauf l'advocatus, qui exerçait à vie la haute justice sur les citoyens, et qu'il nommait cum electione et consensu canonicorum, ministerialium et burgentium. Mais il y a plus. On sait que les tribunaux carolingiens, présidés par les comtes ou leurs missies, avaient pour assesseurs un certain nombre d'hommes libres, juges permanents, mais choisis parmi les habitants du pays, les scabini. Cette institution paraît avoir persisté dans les villes du Midi, comme dans celles du Nord, car on l'y retrouvera au cours du XIe siècle. Il y avait là comme un premier organe de la communauté, incomplet, émanant du Seigneur, qui nommait ses échevins, indépendants toutefois, puisqu'ils étaient, semble-t-il, choisis à vie et avec le consentement au moins apparent des habitants. D'autre part, la pratique de l'association fut très répandue au Moyen-Âge, quand l'individu était insuffisamment protégé par la police et les lois, il lui importait de se défendre lui-même, et pour cela, l'association avec d'autres s'imposait. Ici, les marchands se formaient en société, comme à Valenciennes, sous le nom de frérie de la Halbas, comme à Arras, et dans beaucoup de villes du Nord et de l'Est. Dans les bourgs anglais, florissaient les ligues de la paix, ou Fritz Gilds, dont les membres juraient, dans un sentiment de commune responsabilité, de s'entraider en toutes circonstances, de se soutenir, de se venger les uns les autres. Ailleurs, une partie des habitants se liait dans une pensée religieuse pour se recommander à la protection des saints et constituer ainsi des groupes secrets ou publics appelés charité ou confrérie. Beaucoup d'autres causes encore contribuaient naturellement à former entre les habitants des villes les relations qui devaient aboutir à les grouper en une communauté. Sujets d'un même seigneur, justiciables d'un même tribunal, fidèles d'une même église, souffrant des mêmes abus, participant aux mêmes avantages, ils se constituaient fatalement entre eux, par la solidarité des intérêts, une sorte de lien corporatif. En même temps, que se créaient des usages qui préparaient un droit municipal coutumier. Les travaux d'utilité générale nécessitaient une entente commune. Les calamités publiques concouraient encore au même but. À Beauvais, les teinturiers, ayant approprié à leur industrie les eaux de la rivière du Terrain, ce fut à cette occasion, à la fin du XIe siècle, que se manifesta l'hostilité des habitants contre le chapitre, en même temps que l'existence même de leur communauté. Sans doute, on ne saurait dire qu'il y eut dans ces vagues linéaments le germe d'un régime municipal. Rien de cela n'existe encore et ne saurait même être prévu. Mais que l'ordre se rétablisse, que le commerce renaisse, que les villes se peuplent, que les populations urbaines prennent conscience de leur force, elles pourront trouver dans ces groupements, à peine ébauchés, le point de départ d'une organisation communale et privilégiée. Fin de la section 38, enregistrée par Margot.